se libérer de l'influence des astres? Est-ce que, premièrement, est-ce qu'on est influencé par les astres? Qui on? L'homme. C'est quoi l'homme? C'est qui pose la question? C'est des réponses que je viens de donner là. L'homme, c'est censé être un animal à deux pattes avec une tête et un cerveau. L'homme, c'est censé... Ah oui. C'est souvent insensé. Bon, est-ce que nous sommes manipulés par les astres? Moi, je ne le suis pas, mais toi, oui. Pourquoi moi, je le suis, toi, tu ne l'es pas? C'est la vie. Qu'est-ce qui m'influence chez les astres? Il influence quoi? Mon cerveau, mais... C'est que ton ego n'est pas fusionné avec lui-même. C'est-à-dire que tu as un ego, comme la majorité des égos humains, qui est un ego pluralisé, un ego pluriconstitué, constitué de plusieurs facettes qui sont apparues lors de ton évolution fœtale, lors de ton enfance, lors de ton adolescence, lors de ta jeunesse d'adulte, et qui en même temps proviennent des mémoires réincarnatives, donc de tout ce qui a été là lorsque le spermatozoïde a rencontré un ovule. Donc, il y a ce qui constitue ton ego, il y a les mémoires réincarnationnelles, c'est-à-dire à peu près approximativement 30 millions d'êtres humains du passé qui t'habitent en même temps. Évidemment, c'est 30 millions de parties de 30 millions d'humains qui t'habitent en même temps, mélangés avec l'expérience de ta vie, de la naissance, aller jusqu'à aujourd'hui. Étant donné que ce bloc d'ego n'est pas fusionné, tu es un être humain qui est pacifique, calme. Mais si on te donne une claque en plein visage, immédiatement l'ego tourne et c'est la partie colérique qui arrive dans la région cérébrale d'expression. Alors tu te mets en colère. Ou c'est la partie de honte, ou c'est la partie d'esclavage, ou c'est etc. Alors là, notre être humain, lui, il y a des nuits où il va bien dormir, des nuits où il va mal dormir, des nuits où il va être plus en affinité avec la gestion financière ou la gestion de santé, la gestion de l'événement. Des nuits, des jours, des semaines, des mois comme ça. Et il y a d'autres moments dans l'année ou d'autres moments dans sa vie où il sera plutôt atterré, plutôt écrasé. C'est ça l'influence des astres. C'est-à-dire que l'être humain a un mental, tu as un mental. La majorité des humains ont un ajusteur de pensée, même s'ils n'ont pas un contact conscient avec leur ajusteur de pensée. Et ça, c'est l'homme pour moi. Il y a maintenant l'animal humain, qui est l'astral de l'homme, la psychologie de l'homme. C'est-à-dire, la psychologie, c'est la relation dans l'astral, dans l'âme, entre l'ego, les désirs, les émotions et les mémoires. C'est la psychologie. On dit l'astral, est-ce que ça a un rapport avec l'astrologie? Non, il se trouve que dans les anciennes étymologies, et c'est pourquoi le terme astral est encore employé aujourd'hui, il faudrait un jour inventer quelque chose d'autre. Sauf que si on invente un nouveau mot, il y a un paquet de personnes qui parlent de la même chose, qui ne se comprendront plus. C'est déjà compliqué quand on parle de la même chose. Si en plus on met de nouveaux mots. Alors, astral, c'est une mécanicité, c'est un phénomène énergétique qui n'a rien à voir avec les astres, mais qui a trait à un monde qu'on appelle aussi le ciel, qu'on appelle le nirvana, qu'on appelle le purgatoire, qu'on appelle aussi l'enfer, qu'on appelle le monde de la mort. Dans l'astral, il y a différents niveaux, dont cet enfer, les phases purgatorielles, les phases célestes, etc. Il y a plusieurs niveaux. Quand on parle des positions astrales, là, on fait référence aux astres. C'est une problématique en ésotérisme, en occultisme ou en astrologie, parce qu'il y a deux mondes. Il y a le monde astral, qui est le monde de la mémoire, et il y a le monde astral aussi, qui est le monde des planètes, des astres. Alors, on va parler du monde des astres, et on peut parler du monde astral, mais quand je parle du monde astral, je fais référence à la mémoire, soit planétaire, qu'on appelle aussi les annales akashiques, terme hindou, et qu'on appelle aussi l'âme, terme judéo-catholique, judéo-chrétien. Alors, l'être humain, dont toi, l'être humain est pluriconstitué du point de vue de son ego, c'est-à-dire, premièrement, il a un canal réincarnationnel qui le relie au monde de la mort, qui est son nom de famille, qui le relie aux lignées génétiques, donc c'est à ces 30 millions d'émissions du passé, mais le passé est actuellement présent dans le monde de la mort, par le nom de famille et souvent par le nom religieux. Chez les catholiques, ce sera Joseph, qui est le nom religieux, qui relie tous les mâles à une ascendance égrégorienne catholique. Et chez les femmes, ce sera Marie, sur le baptistère. Et après ça, on aura des noms pour particulariser l'individu et le nom de famille qui lui permet d'être lié à ses ancêtres. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a attraction, c'est-à-dire qu'il y a immédiatement mélange génétique de deux phénomènes, le père et la mère. Donc, en réalité, de deux lignées familiales. Le père et tous ses ancêtres, la mère et tous ses ancêtres. Immédiatement, il y a un code génétique qui se mélange à un autre code génétique, l'homme et la femme, et il y a mathématiquement, on peut extrapoler ce que sera l'individu suite à ce mélange. C'est comme si on prend deux produits chimiques, on les mélange ensemble. À partir de... Si on connaît les deux produits chimiques qu'on va mélanger, on connaît la réaction. Mm-hmm. C'est mathématiquement faisable et c'est donc aussi astralement connaissable. C'est-à-dire que le monde de la mort sait immédiatement quel genre de corps physique va naître dans 9 mois, dans 8 mois, dans 1 mois, 2 semaines. Et le monde de la mort sait aussi quel genre de corps physique ça va être dans 30 ans, dans 50 ans, dans 75 ans. C'est évident qu'il y aura toujours l'ingestion de mutations mineures du milieu. La mère qui fume peut lentement altérer la génétique constitutive du fœtus. Si elle prend de la drogue, si elle sécrète trop d'émotions, elle a trop d'émotions, elle nourrit le fœtus avec trop d'hormones. Bon, il y a des choses comme ça qui sont un peu moins prévisibles. Mais ça n'altère pas suffisamment le corps pour prétendre que le corps humain de la naissance sera totalement différent de ce qui peut être prévisible vers la fin. Globalement, la génétique est déjà connue. Oui. Donc, du monde de la mort commence immédiatement, et ça se fait perpendiculairement au plan planétaire. On pourrait expliquer pourquoi, mais c'est un peu long. C'est une question de physique. Il y a attraction du corps physique de mémoire du monde de la mort. Début du phénomène réincarnatif. Et ça, on va rester relié avec ce phénomène-là tout le temps. C'est-à-dire que les astres tournent autour de la Terre, et ici, présentement, il y a Mars quelque part là-bas, et que toutes les autres planètes sont à l'opposé de la Terre. Il y a dans le monde de la mort ce que j'appelle, moi, un palier mobile, une partie du monde de la mort qui est attirée par la constitution tellurique ou géologique de Mars et qui, elle, va être beaucoup plus elliptique, donc va être attirée par Mars. Ce qui fait que notre individu qui naît à ce moment donné-là reçoit surtout des réincarnations de type martien, c'est-à-dire des réincarnations qui seront violentes, agressives, belligérantes. Et nécessairement, si le corps physique n'est pas capable d'attirer cela, il n'y en aura pas trop. Mais il n'y aura pas grand-chose non plus. Donc, on aura un individu qui sera extrêmement influençable, qui aura une personnalité relativement vide. Et on peut, selon la position des planètes, connaître quel palier du monde de la mort se trouve en perpendiculaire avec le corps physique qui vient naître. Si on a Jupiter là-bas, la Lune là-bas, le Soleil là-bas, on peut dessiner une espèce de forme de ce que devrait être le monde de la mort lors de la naissance. De ce fait, un astrologue ne sait pas nécessairement ce qu'il fait, mais sachant la position des astres, il en déduit par expérience ce qui va se passer dans l'individu. Il ne sait peut-être pas, et certains savent, que c'est une question de réincarnation, mais ils ne savent pas que ce n'est pas les astres qui influencent l'homme, mais c'est qu'il y a un palier, c'est-à-dire une quantité de substances qui crée ta psychologie, qui est là et qui, à un moment donné, se ramasse carrément à l'opposé. Alors, toi, tu es martien, puis Mars, la majorité du plan astral ou du plan du monde de la mort martien est à l'antipode de la Terre. Alors, pendant ce moment-là, tu ne te retrouves pas. On peut donc prévoir les incidences. Si tu n'avais presque pas de Jupiter, Jupiter étant aux antipodes à ta naissance, Jupiter est placé en haut. Maintenant, tu baignes dans un monde astral, dans un monde de la mort jupitérien, et tout le monde qui vit dans ton territoire le vit aussi. Et Mars, celui qui te nourrit, est à l'opposé. Alors, tu risques de vivre certains phénomènes qu'on peut prévoir dans l'astrologie. Mais ce n'est pas les astres. Les astres trimballent des paliers et l'humain là-dedans est manipulé. C'est l'énergie qui est dégagée par l'astre ou des particules qui sont... Non, ben c'est une énergie, oui. C'est une question d'attraction tellurique, c'est-à-dire que selon la constitution des planètes et des soleils, parce qu'évidemment, même Alpha du Centaure attire un palier, il est tellement loin que ça ne paraît pas. Et il bouge à peu près pas vu sa distance, donc finalement, il attire pendant quelques millions d'années. Alors pour nous qui vivons quelques centaines d'années, pour l'humain qui vit quelques dizaines d'années, nécessairement, ça n'a pas d'incidence chez lui. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est surtout intéressant de constater? Pourquoi les astres ne m'influencent pas, les astres peuvent influencer? Premièrement, on doit savoir une chose qui est utile à savoir. Il y a le mental, et le mental décode ce qui se passe dans le corps physique et dans l'ego, dans l'âme, et c'est l'âme qui est assujettie. L'âme est créée par le monde de la mort, c'est un phénomène réincarnationnel. L'âme étant la seule chose qui n'évolue pas chez l'humain, de toute façon, c'est traditionnel, c'est rituel, c'est pareil, c'est habituel, et ce qui se réincarne reste la même chose. C'est pourquoi l'humain et l'âme de l'homme n'ont pas évolué à travers les siècles. Mais il y a le mental qui se frustre d'habiter un corps physique habité par un virus qui est l'âme. Mais le pire avec le phénomène des astres, c'est qu'en l'an 1992, il y aura une particularité céleste dans le ciel, il y aura une position particulière des astres, et nécessairement, il y aura une position particulière des paliers mobiles du monde de la mort. Et nécessairement, à ce moment donné-là, une grande partie de ce qui te constitue du point de vue psychologique, si ça n'a pas été fusionné, va être drainé et va sortir, va être rejeté de ton corps, donc de ton âme, et c'est d'autres choses qui vont prendre le dessus. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y aura tellement pas de présence planétaire ou de présence du palier mobile te constituant en 1992 que les parties de constituants non fusionnés vont vouloir quitter par le canal réincarnationnel. Ce qu'on appelle des fois la corde d'argent. Bon, le canal réincarnationnel, ton corps physique, parce que tout ce qui est là, ça ne les regarde pas. Il faut qu'on comprenne une chose, c'est que si on mélange de l'huile avec de l'eau, les deux ne se mélangent pas. Il y en a un qui va flotter au-dessus de l'autre. On aura beau mettre de la pression, mais ce qu'on voudra, ça ne marchera pas. Donc, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que s'il y a beaucoup, beaucoup de certaines quantités de paliers du monde de la mort qui descendent chez toi, il y aura nécessairement rejet de quelque chose d'autre à un moment donné. Alors, en 1992, si je suis astrologue, je peux, selon ta carte du ciel, prévoir que 92 sera une année très mauvaise pour toi. Et ça va se rétablir en 94. Tel mois. Alors là, il vient de se passer une chose, c'est que je peux prévoir, à partir des as, des blocs complets de ta vie où tu vas être heureux, très bien, merveilleux, puis après ça, où ça n'ira plus du tout. Après ça, ah, de 86 à 98, fais attention, tu risques d'être malade. Maintenant, c'est des gros blocs. Pourquoi? Simplement parce que, et c'est extrêmement intéressant, c'est chiant, mais c'est intéressant, c'est comique, c'est que tu prêtes ton corps physique de 1992, par exemple, à 1994, tu vas prêter ton corps physique, ton corps vital et ton âme à des entités que tu ne connais pas présentement, qui vont descendre chez toi, prendre possession de ce corps-là pour 2 ans, et qui vont venir, ils vont devoir évidemment apprendre à le connaître, alors tu risques d'avoir une période extrêmement néfaste pendant ces 2 années-là, et qui vont, ils vont venir, évidemment, travailler ton ego, ce qui ne sortira pas, ce qui est fusionné, et ça va se colorer avec ça. Donc, toi, tu auras l'impression d'être resté le même, mais pendant ces 2 années-là, tu seras malade, tu seras faible, toujours fatigué, tu auras de la misère à te lever, tu seras soupe au lait ou soupe à la crème, ça dépend ce que tu mets dedans. Bon, tu seras une personne qui sera violente, tu ne te reconnaîtras pas. C'est quoi ces entités-là qui vont venir Ben, la même chose qui t'habite présentement, sauf que tu ne les connais pas. Ben, alors, c'est quoi? C'est du monde de la mort. C'est simplement grand-papa Grotto qui veut redescendre quelque part, puis à un moment donné, pendant ces périodes-là, eh bien, ce qui, lui, s'il a été jupitérien, exemple, là, je simplifie, et que pendant ces années-là, Jupiter est relativement présent dans le contexte solaire planétaire, eh bien, grand-papa traîne plus souvent là. Comme tu as un corps physique qui est similaire au corps physique dans les mêmes âges que grand-papa Grotto, nécessairement, le corps attire grand-papa Grotto qui va descendre. Mais grand-papa Grotto va descendre à l'intérieur de toi, et il va rejeter des morceaux qui... de ses ennemis, enfin de ceux que lui n'aimait pas, qui peuvent aussi se servir de ton corps physique. Donc, les parties non fusionnées, ça va s'en aller. Alors, lentement, tu vas changer. Est-ce que lui, il va fusionner avec ce qui est déjà là? Ça peut arriver. Et alors, ce qui va arriver, c'est que ton ego, toi, il y a des morceaux qui vont s'en aller, puis il y a des choses que tu vas faire. Tu étais toujours précis avant, puis à un moment donné, ben, tu bouges, puis hop, voyons, qu'est-ce qui m'arrive? Et pendant 2 ans, tu accroches les micros. Tu comprends pas. T'as beau te concentrer, faire attention, faire ceci, faire cela. Il y a 2 ans, à moins que tu digères grand-papa Gato, c'est mieux le gâteau et le grand-père, mais en tout cas, tu digères le morceau, ou tu le digères, ou il te digère. Si il te digère, après ces années-là, grand-papa s'en va plus, puis là, tout le monde va dire, « Mo, t'as dit qu'il ressemble à son grand-père, hein, depuis un certain temps. » C'est le grand-père, maintenant, qui est réincarné. Il t'omnubile, il te digère, il te manipule, il va être coloré un peu par toi, mais toi, tu vas réagir implicitement comme le grand-père réagissait. Par contre, si tu digères le grand-père, après ces 2 années-là, tu auras de l'expérience neuve, de l'expérience que le grand-père avait, une expérience que certains vont dire innée, qui n'est pas innée, qui est acquise, mais qui n'est pas acquise par l'apprentissage, qui est acquise par la réincarnation. Alors, tu sauras des choses. Par exemple, tu retournes dans la ville ou le village où a vécu le grand-père, puis tu vas reconnaître des choses, tu vas expliquer, « Ah, il y a telle affaire là-bas, on vient là-bas, ça me tente d'aller là-bas. » Rendu là, « Ah, c'est, je savais que ça pouvait me plaire, le grand-père, je savais, c'est là qu'il a vécu. » Mais vu que tu l'as digéré, toi, tu ne sais pas nécessairement que le grand-père est un peu chez toi, mais tu te sers de son expérience. Tu sens pas que ton caractère a changé ou de l'extérieur, ça fait. Tu sens qu'il a changé un peu, qu'il a été altéré pendant un bout de temps, le temps que tu digérais grand-papa Gato, peut-être 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Mais un individu qui ne connaît pas rien de ces mécanismes-là, normalement, devient soumis à ces mécanismes-là. Pourquoi? Parce qu'il se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai pas ci? Pourquoi j'ai pas ça? Au lieu de se dire, oh, minute, j'étais comme ça, ça me plaît d'être de même, me rester de même. J'ai pas d'énergie de me lever le matin. Bien, j'ai au moins l'énergie de rouler pour tomber en bas du lit. Bang! Bon, là, maintenant, t'inquiète en bas. J'ai peut-être pas l'énergie de me lever, mais je suis bien obligé. T'es debout. Alors, grand-papa Gato, tu vas le digérer rapidement. Il faut être plus puissant que lui. Mais c'est pas nécessairement bon d'être plus puissant s'il était mieux que toi. S'il était plus solide, s'il connaissait plus de choses, s'il était plus évolué, t'as su bien le laisser faire. Ah, t'as pas le choix, de toute façon. S'il était plus solide, plus évolué que toi, puis plus tout ça, c'est lui qui va te digérer. Fait que t'as aucun problème. Fait que de toute façon, on peut pas dire que consciemment, je vais combattre puis je vais garder le dessus. Parce que oui. On peut dire ça. Bon, après la conférence de ce soir, il y aura du nouveau dans l'ego de l'humain. L'ego de l'âme va savoir, comme dans ton ego, maintenant ton ego va savoir comment pallier à ça. Vu qu'il sait comment pallier à ça, il sera donc manipulé à pallier à ça. Étant manipulé à pallier à ça, maintenant, il va libérer le mental, quand ça va arriver, pour que le mental peut tout faire. Sauf que l'ego ne fait pas confiance au mental. L'ego fait avec lui dire, ah oui, mais qui je suis, moi, pour pas savoir ça. Ben, l'ego, justement, t'es rien, ferme ta gueule non plus, parce que c'est pas toi non plus qui le sait, c'est le mental. Mais sur l'ego, il s'imagine, c'est lui qui le sait. Après ça, il y en doute. Fausse humilité. Alors, quand le mental est suffisamment libéré par l'ego, ben, le mental va maintenant être capable, lui, de développer des mémoires d'intervention qui vont faire en sorte que lorsque l'humain va se faire ramasser, il y a plusieurs façons de se faire ramasser. C'est évident qu'un matin, tu te lèves et tu ramasses une réincarnation d'une personne de ta famille qui est morte quelque part sur la planète ou d'une autre personne dans la société qui avait des vibrations, même si vous ne connaissiez pas, qui avait un corps similaire au tien, qui avait une psychologie similaire à la tienne. Là, elle vient de décéder d'un accident d'automobile, puis subitement, ben, tu ne te reconnais pas, puis ça prend 2-3 jours pour se replacer. Tu viens de gérer quelque chose. Bon, ça se réincarne 24 heures sur 24 tout au long de la vie de l'humain. Par contre, l'individu qui est assujetti au signe astrologique, celui qui dépend finalement du palier mobile de Mars, du palier mobile de la Lune, du palier mobile de Pluton, du palier mobile de d'autres planètes ou de d'autres astres, celui-là, si le mental ou si l'ego plutôt n'est pas au courant de la mécanique, nécessairement, à chaque fois que ça arrive, tout le temps que l'humain cherche à comprendre qu'est-ce qui arrive, ben il se fait gruger pendant ce temps-là. Alors, c'est comme si tu avais un cancer sur le nez, ton nez commence à se défaire en morceaux, il tombe en pièces, puis tu te dis, voyons, pourquoi je fais ça? Mais tout le temps que tu cherches à savoir pourquoi tu fais ça, il n'est plus de nez à un moment donné. C'est que tu ne faisais pas ça, il y avait un virus dedans. Alors, si la personne connaît la mécanique, elle ne dira pas, voyons, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais pousser des boutons-là? Mais non, elle sait que les boutons poussent tout seul. Tu peux intervenir avant que ce soit trop tard? Maintenant, elle est manipulée à intervenir, c'est-à-dire qu'elle a l'information nécessaire pour pouvoir intervenir. Qu'est-ce qui fait que, avant d'apprendre le mécanisme d'intervention, qu'est-ce qui fait qu'on est influencé par nos signes astrologiques, en tout cas? C'est pas nos signes qui nous influencent. Les signes influencent simplement les planètes. Mais qu'il y a, par exemple, le Sagittaire, le ça, Cancer, le Scorpion. C'est le sage à terre. Qui, eux, ont des... Le Caprice à cornes. Le Verseau. Oui, ça, c'est le serviteur, ça. Non, fallait pas. Non, c'est correct. Qu'est-ce qui fait qu'on est dirigé, par exemple, dans la finance, on est sous un certain signe, dirigé ou plus enclin à la maladie dans un autre signe, plus enclin à la pauvreté dans un autre signe? Parce que si c'est, comme tu dis, le grand-papa gâteau, ça c'est en exemple, c'est pas nécessairement tous les grands-papas gâteaux qui étaient capricorne ou qui étaient cancer. Non. On attire des réincarnations qui sont sous le même signe astrologique. De notre naissance ou oui, pas? C'est-à-dire qu'on peut jouer. Le monde de la mort, le phénomène astrologique manipule l'humain, mais l'humain peut manipuler toute la mécanique au complet. Bon, alors, qu'est-ce qui arrive? Premièrement, on a grand-papa gâteau qui descend chez toi. Grand-papa gâteau, c'est un alcoolique, c'est un ivrogne invétéré. Il buvait la bouteille, il l'ouvrait même pas, il y avalait tout. Bon, un alcool invétéré. Bon, un alcoolique. Maintenant, toi, tu réincarnes grand-papa gâteau, puis à un moment donné, ben, tu as le goût de prendre un peu de boisson, puis ça fera pas de mal, puis ça dérange pas, puis il paraît que c'est bon pour la santé, ça empêche les crises de cœur. Puis mon grand-père, lui, il est mort à quoi, 65 ans, puis il buvait comme un cochon, fait que c'est la preuve, ça dérange pas. C'est le grand-père qui parle, là. Toi, tu penses que c'est toi qui parles, c'est des exemples que tu te donnes. C'est le grand-père qui parle avec le je et le moi pour te manipuler carrément pour que tu penses que c'est toi qui parles. Puis évidemment, vu que tu dis ça, c'est pas pour. Fait que, oh, goûter. Là, tu commences à goûter à ça. Hey, c'est bien meilleur que je pensais. Il me semble que j'ai développé mon goût. Non, c'est le grand-père maintenant qui décode ce que tes papilles lui amènent. Alors nécessairement, t'aimes mieux ça que hier. Évidemment, ça se fait très, très, très, très insidieusement. Disons que t'aimes mieux ça que v'là un an. Et là, on va dire, tu viens de développer ton goût. Un instant. Tu es en train de te faire posséder totalement. Tu ne développes rien partout. Parce que ça dépend comment le cerveau décode ce qu'il y a là-bas. Là, c'est ce qu'il y a là. C'est pas juste les papilles gustatives. On a à peu près la même quantité avec les mêmes choses. Sauf que le cerveau doit apprendre aussi à connaître les choses. Les mauvaises et les bonnes. Alors donc, là, tu commences à aimer un peu plus ça. Puis, subitement, c'est grand-maman gâteau qui descend. Mais grand-maman gâteau, elle s'est fait battre par le bonhomme. Elle a eu des problèmes toute sa vie. Elle a jamais bu. Elle a bu de l'eau. Bon. Là, grand-maman gâteau commence à descendre à un moment donné. Je saute des parties de mécanique. C'est rien pour expliquer ce qui peut se passer à l'intérieur d'un humain. Et là, immédiatement, tu commences à prendre ton morceau de vin, ton verre de vin, puis... Moi, et mon grand-père est alcoolique, par exemple. Ouais, mais c'est quand même bon goût. Là, ça chicane entre la grand-mère qui recommence. Bon. Et là, tu vas commencer à te sentir coupable. La grand-mère, elle va piquer le bonhomme en maudit. Le bonhomme, il se sent coupable. Et le bonhomme, en même temps, il va battre la grand-mère. Fait que tu commences à défaire ton corps physique aussi. Tu commences, il y a un paquet d'incidences qui vont apparaître. Maintenant, en plus de ces deux bonhommes-là, ou bonne femme et bonhomme, qui font partie de ton ciel particulier de 92 ou à 94, En plus de ça, le patron te dit, maintenant, je te donne une augmentation de salaire et je t'augmente de poste, tu deviens directeur général du service des ventes. Alors, avant, tu t'habillais un peu comme tu voulais, mais là, maintenant, il faudrait que tu t'habilles classique. Alors, tu arrives le lendemain avec un veston, cravate, etc. Le grand-père, ça ne reconnaît pas tout là-dedans. La grand-mère, une cravate, a quand même mis ça. Alors, nécessairement, tu as l'impression que tu es complètement déguisé. Mais là, tu rencontres des personnes, puis les personnes te reconnaissent comme étant directeur général. Et après 2-3 mois, tu commences à supporter ton habillement. Tu bois, puis tu te sens coupable. Ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres phénomènes de réincarnation qui n'ont pas... Bon, c'est limité par les as, mais jamais autant que ton phénomène réincarnationnel héréditaire. Alors, parce que j'ai un nombre de formes d'hommes d'affaires, lentement, je réincarne des mémoires d'hommes d'affaires qui, eux, n'ont rien à voir avec ma famille ou qui ont à voir avec ma famille, mais qui n'ont rien à voir avec grand-papa ou grand-maman gâteau. Lentement, je me sens de plus en plus homme d'affaires. Je prends l'expérience, j'ai la façon de parler, j'ai la façon de regarder, j'ai la façon de porter le linge, parce que je réincarne des mémoires réincarnationnelles de ces individus-là. Mélanger avec grand-papa qui veut toujours boire, mélanger avec etc. Là, c'est évident que c'est pas long, je vais réincarner des mémoires d'hommes d'affaires qui buvaient. Parce que eux autres vont bien s'entendre avec mon grand-père, qui est bon patron. Mais en même temps, je suis réincarné des mémoires d'hommes d'affaires qui ont souffert de boire. Ça va avec la grand-mère, puis le patron. Et lentement, à travers cela, c'est ce que l'humain appelle sa vie psychologique et émotive, qu'il doit vivre et exprimer, et qui lui plaît tant. Mais l'habillement là-dedans, qu'est-ce que, par rapport à l'influence des astres, c'est pas plutôt l'onde de forme? Vous savez, la quantité d'hommes d'affaires qui ont des grandes bobettes longues roses en dessous de veston, c'est le grand-père habillé par-dessus l'astre de l'homme d'affaires. Et l'habillement, qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à l'astre? L'habillement avec l'astre, rien. Sauf que si Mars n'est pas là, Mars est en bas, il n'y a pas beaucoup d'hommes d'affaires martiens qui peuvent se réincarner parce que le monde de la mort est à son plus faible là, alors que s'il y a d'autres planètes là, il y a beaucoup plus de plénitude. Et est-ce que les hommes d'affaires sont sous un signe particulier? Non. L'homme d'affaires, bon, il n'y a pas de métier sous des signes particuliers. Par contre, si dans ta famille, il y a eu beaucoup de forgerons ou beaucoup de mathématiciens ou beaucoup de voleurs, bien, selon les astres, on pourra prétendre que tu risques d'être un voleur. Pourquoi? Parce que la majorité de ceux-là, le premier voleur dans ta famille ou les quelques voleurs, il y a eu des époques où on volait. Il y a eu des époques où ta famille ne faisait que voler. Il y a eu des époques où elle volait moins, des époques où elle volait légalement, puis des époques où, etc. Bon. Alors, il y a donc des cycles complets et il y a des parties du monde de la mort qui sont totalement nourries de mémoire de certaines étapes, de certaines époques. Alors, il y a dans ces ciels des agencements particuliers qu'on ne retrouve qu'à toutes les 2000 ans, qu'à toutes les 2500 ans, qu'à toutes les 3000 ans. Ce qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir en 92 ou en 96, à partir de 96, il peut y avoir un ciel qui va ressembler énormément à un ciel du passé où tes lignées familiales à l'époque ont fait ceci, cela, cela, cela, cela. Quelqu'un qui naît de tel signe a plus de chances, évidemment, d'avoir de l'efficacité en affaires parce que le palier du monde de la mort attiré par cet astre est un palier beaucoup plus logique. Bon, si on regarde Jupiter, qui est un palier beaucoup plus maître, contrôleur, gueuleur, donneur d'ordre, ça va nécessairement donner une incidence réincarnationnelle dans l'individu. Et comme tout au long de ta vie, tu vas vivre avec les planètes qui se promènent un peu partout, même si le ciel n'est pas identique à ce qui s'est passé dans le passé, à un moment donné, il est identique à une date particulière, vu que tu vis plusieurs phénomènes de ce genre-là, tu nourris aussi le monde de la mort de ton expérience, ce qui fait que dans 2, 3, 400 ans ou dans 2, 3, 4000 ans, il y a quelqu'un qui va à un moment donné te réincarner intégralement comme tu es aujourd'hui. Sauf qu'il sera absolument inadapté dans le monde où il va être, puis évidemment, il y a le milieu qui va l'éduquer pour l'adapter. Alors, le phénomène réincarnationnel suite à l'habit, ça dépend aussi des astres, c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu étais constitué, toi, de 4 couleurs. Le noir, le blanc, le jaune et le rouge. Alors, à un moment donné, tu te nourris de ces couleurs-là régulièrement, ça se réincarne 24 heures par jour. Puis, à un moment donné, tu rentres ta paille dans le pot pour prendre des couleurs pour te nourrir. Il y a ça des pets jaunes, il y a ça des pets noirs, un petit peu de rouge, puis un petit peu de blanc. Fait qu'avec ta paille, quand tu rentres, quand tu t'appelles, tu ramasses, puis tu ramasses énormément de noir, ça, là, je suis de voir l'affaire au complet. Ça, c'est le monde de la mort, présentement. Il y a une planète ici qui attire tout le jaune. Le jaune, ici, il y en a. Celui qui est en Chine, là, lui, quand il boit sa poigne, il ramasse du jaune. Bon. Alors que toi, tu ramasses beaucoup de noir. Celui qui est en Chine, quand il succionne, il n'y a presque pas de noir. La planète noire est là. La planète jaune est là. La rouge est là-bas. T'en as un peu plus que le jaune, pas beaucoup. Et puis, disons que la blanche est là-bas. C'est équitable. Mais à un moment donné, ils tournent, eux autres. Alors, au fur et à mesure que ça va avancer, moins tu peux en boire. Le noir finit par s'en aller, le blanc qui est là, lui, revient à l'envers. En réalité, c'est ce qu'on pense, c'est pas ça qui se passe réellement, mais au niveau astrologique, on a des planètes qui retournent. En réalité, c'est, en tout cas, on passe là-dessus, là, mais ils ne retournent pas, mais ça donne l'illusion. Alors, il y a un paquet de phénomènes qui va se passer, puis là, vu que nous, on est connectés par une paille qui s'appelle la corde d'argent, le canal réincarnationnel, dans ce monde de la mort-là, et que l'âme s'en nourrit en têtant, bien, nécessairement, tout ce qui se passe là, tout ce qui trimballe les planètes d'un bord puis de l'autre, trimballe les paliers du monde de la mort, puis comme dans ton verre, bien, de temps en temps, il y a de l'eau, des fois, c'est l'alcool, des fois, c'est etc. Bien, tu te nourris comme tu peux. L'onde de forme attire ce qu'il y a. Elle ne peut pas attirer ce qu'il n'y a pas. Si j'étais né en Chine, j'aurais le même signe astrologique, ben pas un signe chinois, donc je prendrais le même signe sagittaire ici, sagittaire là-bas, mais je ne serais pas du tout le même individu. Non, pourquoi? Parce que le palier là-bas ne serait pas, absolument pas le même. Le palier du monde de la mort là-bas ne serait pas ce qui était ici. Ça veut dire que le sagittaire ou le cancer ou le scorpion, ça ne veut rien dire si on n'a pas le lieu physique de la naissance. Pourquoi devons-nous savoir, pourquoi en astrologie devons-nous connaître les coordonnées géographiques de ta naissance? Je sais pas. Ben, tu sais, si t'es né en Angleterre, c'est pas pareil comme si t'es né à Montréal. Bon, donc en partant, effectivement, qui savent ou qui ne savent pas ce qu'ils font, les astrologues le font relativement bien. Parce que le lieu est extrêmement important, parce que c'est ce qui détermine le palais des mondes de la mort. Évidemment, eux autres, c'est par expérience, à travers les traditions du passé. L'humain, sans comprendre, à force d'observer, a fini par considérer que les astres avaient une influence sur l'homme. Bon, il leur manquait de l'information, mais à force d'aligner les choses, un peu comme l'acupuncture, on finit par faire suffisamment d'erreurs. À travers cela, il reste à travers le temps suffisamment de faits vérifiables qu'on arrive à une astrologie qui est plus ou moins potable, mais qui ne sert à rien, évidemment. Est-ce que les astres influencent beaucoup l'astral? Bien, totalement l'astral, c'est sûr. En plus, il y a les vents solaires, il y a les vents planétaires, les vents aériens qui influencent le monde de la mort. Il y a des paliers qui sont fixes, donc la politique, ce qui se passe dans un territoire influence le monde de la mort. Est-ce que l'astral se déplace sur lui-même autour de la planète? Les paliers mobiles se déplacent, les paliers fixes, comme par exemple un égrégore politique, ne se déplacent pas, il reste branché sur sa tellurie. Un égrégore militaire reste branché sur son drapeau. Un égrégore religieux va être dans certaines régions, mais il ne sera pas dans d'autres. Alors, si on a l'égrégore musulman quelque part, on n'aura pas d'égrégore catholique en même temps. L'égrégore, lui, bouge pas. Ce sont des paliers du monde de la mort, des paliers fixes, alors qu'on a des paliers mobiles qui, eux, sont attirés par les astres, qui sont finalement les annales akashiques ou les mémoires historiques du temps de l'humain sur la planète Terre, mais il n'y a pas dans ces paliers mobiles-là, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ego dans l'égrégore. Alors que les égrégores fixes ont des égos, des dieux. Ça peut être le parti, ça peut être le drapeau, ça peut être le nom familial, ça peut être un nom divin, Yahvé, Manitou, Allah, etc. Et les personnes, comme on parlait du grand-papa gâteau, est-ce qu'il aurait pu se ramasser en Arabie? Le grand-papa s'il est fixe au-dessus du Québec? Ou? Le grand-papa gâteau, lui, se ramasse en Arabie. De toute façon, il se promène avec les paliers du monde de la mort dans ce qui concerne la mémoire événementielle du grand-papa gâteau, c'est-à-dire en les mémoires de ce qu'il a fait comme vécu, sauf qu'il ne peut à peu près pas se réincarner dans un corps physique qui ne l'attirera pas. Donc, lorsqu'il arrive au-dessus de la Chine, les corps chinois n'ont pas le même système endocrinien, n'ont pas le même système osseux, n'ont pas le même système physique, finalement, n'ont pas le même cerveau, n'ont pas le même système nerveux. Alors, grand-papa Gâteau ne se réincarne à peu près pas là-dedans. Ça veut dire qu'il tourne un tour, puis il va... Ben, il tourne un tour, et puis ça va. Il manque son tour. Ça veut dire qu'on peut être longtemps à se promener là-dedans. Si on meurt demain matin, on peut être longtemps. Pour le monde de la mort, ça dure quelques secondes. Pour le monde de la planète Terre, ça peut se faire normalement. Ça dépasse rarement 2500 ans. Est-ce qu'on peut attirer une réincarnation de quelqu'un qui est décédé, je reprends le même exemple de l'Arabie, qu'un arabe qui est décédé, est-ce qu'il peut se réincarner dans moi? Oui, il faudra que tu t'habilles en arabe un peu. Boire beaucoup de sirop d'érable, d'arabe. Tu as lavé dans le pétrole, en tout cas? Avoir des gros diamants. Il faut simplement que tu t'habilles, si tu es capable de retrouver un peu les vêtements qu'il portait, de connaître un peu le bonhomme, de revivre un peu comme il était. À l'instant, il va être disponible. Il va se réincarner. Alors, comme par exemple, le gars qui a fait le film Gandhi... C'est mieux, c'est plus chanceux. ...est allé en Inde. Oui. Parce que là, il y a un égrégore religieux quand même du Mahatma qui traîne là, un égrégore fixe plus les égrégores mobiles. Il est allé aux Indes, il s'est habillé comme Gandhi, il a visité les mêmes places que Gandhi, il a tout fait pour redevenir Gandhi. À travers cela, il a Gandhi suffisamment dans sa conscience pour réincarner le Mahatma. Et quand il a tourné le film, les gens, il y en a plusieurs qui l'avaient connu, qui étaient plus sûrs, bon, le gars était pareil. Les mêmes gestes, les mêmes faces, les mêmes regards, oui, il l'avait réincarné. Et maintenant qu'il a arrêté de faire le film, il ne peut plus s'en débarrasser. Oui. Alors le gars est devenu plus pacifique. Je prends un exemple d'un gars qui a longtemps travaillé dans une série télévisée, et il s'appelait dans la série Kwai Chan Kane. David Carradine, en anglais. C'est pas une traduction littéraire, là. Mais quand même. Et ce bonhomme-là, après avoir tourné tellement de films dans la série Kung Fu, même si c'était un danseur de ballet avant qui connaissait rien aux arts martiaux, par la suite, il était végétarien. Des moines Shaolin de l'ancienne Chine, et c'est ce qu'il a réincarné. Est-ce que si on a une assurance particulière pour un pays, est-ce que ça peut vouloir dire qu'on a une partie de l'incarnation, puis on a le goût d'aller là pour aller chercher le reste, ou... C'est exactement ce qui arrive. L'individu qui a le goût de voyager va simplement finaliser sa réincarnation. On cherche finalement ce qui nous manque. Oui. C'est pourquoi, bien souvent, après y avoir été quelques fois, si tu as accompli ce que tu avais à faire, tu n'as plus tellement le goût d'y aller. C'est Et il y en a d'autres qui vont régulièrement, c'est parce qu'ils vont toujours à Paris, par exemple, sauf que c'est des réincarnations de Français, parce que leur lignée familiale vient de France, vient de l'Inde, ou vient de Norvège, ou vient, bon, quand même, on peut voyager en masse, on vient de loin, il y a des mélanges génétiques qui se font. Et moi, j'ai du sang indien, les Indiens, bon, sont peut-être Mayas, ce qui fait qu'à un moment donné, je descends dans le sud, et en même temps, j'ai du sang royal français, donc je vais possiblement en Europe. Mais la personne va en France voir le poteau de l'Hydro-Québec français, qu'on appelle la Tour Eiffel, et puis, il va toutes les années, il aime ça. Pourquoi c'est pas fini? C'est parce que lui, c'est un Breton. C'est en Bretagne qu'il faut qu'il aille. Alors, il va toujours en France, mais il va voir où le touriste l'amène. Fait qu'il va pas du tout où lui devrait aller. Donc, il va toujours aller en France, trois années, pour rien. C'est-à-dire qu'on devrait, si on se laissait aller comme instinctivement, on choisirait le pays où on doit aller. Si on ne se laisse pas influencer par la publicité ou par Exactement. Où les autres vont. Puis, à un moment donné, il y a un pays, une langue bâtard que tu vas comprendre plus facilement, puis que tu vas aimer, puis tu vas aimer les gens, puis tu vas trouver qu'ils sont corrects. Puis il y a un paquet d'affaires, puis eux autres, ils vont t'apprécier aussi, parce que ben, c'est ça. Ça, c'est ta famille, une famille du passé. Et à un moment donné, ben, c'est ça. Tu vas être suffisamment assouvi ou tu vas être obligé de rester là parce que tu vas avoir. Tu vas être tellement possédé par ce qui se passe là que finalement, tu vas décider de rester là, donc tu déménages, tu es pénate. Est-ce que ça pourrait être ça aussi pour un travail, choisir une carrière? On ne sait pas pourquoi, mais là, je lâche tout puis je m'en vais en informatique. Bien, en informatique, ça s'appliquerait mal parce qu'il n'y a pas dit d'en avoir beaucoup de grands-pères qui étaient en informatique. Mais disons, en médecine, par exemple, on a un vieux métier. Ah oui, l'informatique, c'est bon aussi. De toute façon, il y a en masse de personnes qui étaient toujours mathématiciens, peut-être. Ou... Voilà, qui étaient simplement en avance sur les autres du point de vue de la gestion, exemple. Alors, est-ce qu'une attirance comme ça, ça peut... Bon, moi, je suis un scribe. Je réincarne un scribe égyptien, puis à un moment donné, tu me donnes un ordinateur en avant, puis je peux scriber là-dessus. Je me dis, franchement, moi, je vais scribouiller là-dessus, certain. Mm-hmm. Alors, je vais m'en aller là-dessus, le secrétaire, ou même en informatique, de façon à améliorer. Ça dépend de quelles sont les mémoires, quels étaient les postes hiérarchiques des personnes que tu réincarnes. Alors, effectivement, au niveau de l'emploi, il y aura une incidence réincarnationnelle. Les astres, évidemment. Les astres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te donnent la matière réincarnationnelle. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure, tu as besoin de jaune, ben tu dois attendre que la planète jaune soit rendue dans un endroit suffisamment perpendiculaire à ta présence, où tu prends ton avion, puis tu t'en vas rejoindre le palier, puis là, tu fais le travail. Ils font juste la rendre disponible, la matière. Exact. Si tu ne l'attires pas, tu ne l'as pas. Tu peux l'attirer, mais si c'est pas disponible, tu réincarnes très peu, très peu, très peu, très peu, très peu, un peu plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup, de moins en moins, en moins en moins. Bon, sauf que si le... personnage que tu as besoin est dilapidé dans le monde de la mort parce qu'il y a deux morts. Il y a le monde de la mort du corps physique, il y a la vie moronciel, puis normalement l'être humain gagne le monde de la mort où là il se dissout totalement comme de la fumée dans le monde de la mort et il se fusionne à ce qui est similaire à lui. Alors évidemment, si tu es le bonhomme en question qu'on veut réincarner, tu es dissous au travers une vingtaine de paliers du monde de la mort, il y aura une position particulière des planètes qui devra être nécessaire pour que moi, je puisse réincarner le plus intégralement possible ce que tu es. Et là, j'en ferai une mémoire seconde, c'est-à-dire que il y aura deux égaux. Et si on est capable de s'entendre, on sera deux dans un corps. Quand c'est les affaires, je te laisse aller, puis quand c'est d'autres choses, je me laisse aller, puis on s'entend. Je te redonne la vie premièrement, mais il faut qu'on s'entende. Sinon, tu vas réincarner des parties, mais jamais l'individu complet. C'est sûr que c'est dans 382 années que les planètes vont être exactement parfaites pour réincarner Albert Einstein, il faudra que tu attendes jusque-là. Mais est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, dans l'ego, il y aurait une possibilité de cohabitation entre huile et l'eau? Tantôt, tu disais qu'ils ne se mélangeaient pas. Là, ils ne se mélangeraient pas, mais ils se toléreraient. Ce n'est pas les mémoires expérientielles réincarnationnelles. Là, on parle de deux égos. Les deux égos vont se fusionner comme ça. Donc, ce parti-là vient parler au micro quand c'est le conférencier, puis celui-là vient parler aux employés quand c'est le patron. Mais c'est un égo qui est fusionné. Il est soudé, mais... Oui, et puis il n'y aura pas de chicane. Il n'est pas mélangé. Non. Je veux dire qu'il y a un peu, c'est pas un mélange, là, que c'est plus ni l'employeur ni le conférencier. Ça va être les deux, puis finalement, du point de vue de l'extérieur, ça va être un seul personnage qui, quand il fait du sport, est comme ça, bien plaisant, puis quand il rentre au travail, il est très déplaisant. On a un égo qui vient de virer de bord. L'humain est souvent comme ça, parce que l'humain est plus reconstitué. Là, on parle d'une biconstitution, d'un égo fusionné qui arrive à la descente d'un autre égo fusionné pour travailler ensemble. Dans certaines mécaniques très ésotériques, il y a des personnages qui vont descendre à travers le canal réincarnationnel pour te demander si tu veux leur prêter ton corps, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 ans. Le comte de Saint-Germain, Lazare, finalement, ou Thomas Paine, c'est le même bonhomme, etc. C'est ce qu'il a fait souvent. Il a pris soit le corps d'un enfant, soit le corps d'un adulte. Quand tu dis leur demander, comment il fait ça? Il les écrit ou... Non, il leur fait des promesses. Les égaux, ça apprend à n'importe quelle promesse. Aucun problème là. Moi, je prends ton corps physique, puis quand je vais te le laisser, tu vas être connu partout, puis tu vas avoir suffisamment de bijoux et d'argent et de pièces d'or pour pouvoir acheter l'Empire britannique. Mais j'ai besoin de ton corps pour 5 ans. Puis pendant ces 5 années-là, tu pourras me suivre, tu pourras apprendre, puis quand je vais m'en aller, il va rester l'expérience de ma présence, donc tu ne seras pas aussi puissant, mais tu vas quand même connaître tous ceux que j'ai connus, tu vas être capable de, tu sais, tu gardes l'expérience de mon passage, donc de la vie corporelle de ces 5 années-là, et puis je te laisse tout ça au complet. Alors, non, mais là, est-ce qu'il leur disait ça physiquement? Si tu dis ça à un enfant, comment, là, tu prends le corps d'un enfant? Il leur disait ça physiquement. Comment il faisait? Ben, il commence à ramasser le corps d'un imbécile. Un clochard ou quelque chose dans le genre. Il allait rencontrer l'individu qu'il voulait aller chercher. Habituellement, c'était un comte urbain. Il y a eu des comtes russes, il y a eu des comtes polonais et il y a eu aussi des comtes français. Il va les rencontrer, puis là, il leur explique. Puis ces personnages-là, c'est tous des personnages qui travaillaient déjà en alchimie. Donc, la majorité sont alchimistes. Or, suffisamment flyés, pétés, mystico-pétés pour être dans l'ésotérisme. Et là, ben, il y a une entente qui va se faire. C'est pas un pacte avec le diable, c'est un pacte avec Dieu. Ben, c'est un pacte quand même. C'est un prêt avec beaucoup d'intérêt. Puis est-ce qu'il tenait sa parole? Lui a toujours tenu sa parole. Mais il y en a d'autres qui la tiennent jamais. Mais lui, oui. Mais ça vaut pas la peine d'aller chercher à l'attirer présentement parce qu'il est déjà incarné dans 5 corps. Alors, il n'est pas là. Et puis, on va revenir au sujet. Pourquoi on se libérerait de l'influence des astres? C'est pas nécessairement mauvais, d'après ce que je comprends. C'est nécessairement mauvais. Mais si je suis attiré, par exemple, pour aller en Angleterre, on va dire, puis que là, j'ai l'impression qu'il me manque un morceau. Qui viennent l'anglais! Oui, mais qui viennent, on dit se libérer de l'influence des astres, donc ça voudrait dire que même ici, je ne voudrais pas le laisser rentrer. L'influence des astres... Pourquoi ça serait mauvais que j'empêche une réincarnation que je sens avoir le goût de... C'est jamais mauvais, puis c'est toujours mauvais. La seule nuance qu'il y a, est-ce que qui contrôle? Qui contrôle la mécanique? C'est mauvais quand c'est pas toi? C'est très bon quand c'est toi. Est-ce que c'est celui qui se réincarne qui la contrôle, pas plus? Celui qui se réincarne peut la contrôler, bien souvent ne la contrôle pas. C'est simplement la mécanique du monde de la mort. Toi, tu décides de réincarner Indiana Jones. Bon. Attendre qu'il meure. Ça va là. Bon. Tu décides de réincarner Indiana Jones. Et puis là, tu t'habilles avec le chapeau, puis de la quête au complet, puis tu fais des folies dans ton salon, là, puis bon. T'attends. Et à un moment donné, ben, les seules mémoires disponibles d'Indiana Jones à cause de la cristine mécanique des astres, c'est la partie où il prend de l'alcool. Fait, tu vas réincarner ça, tu vas te mettre à devenir alcoolique. Indiana Jones alcoolique. Parce que tu choisis pas ce que tu vas... Mais non, tu choisis rien. Ah. Alors, c'est pas ça qu'il faut réincarner. Et qu'est-ce qu'on doit faire surtout? C'est d'arriver à la longue à étrangler ce fichu canal réincarnationnel pour ne plus être assujetti aux astres. Mes ancêtres, s'ils veulent se réincarner, qu'ils se réincarnent dans mes voisins. Qui se réincarne dans mes enfants, qui se réincarne dans ma famille, puis qui me laisse moi. Quand j'aurai besoin d'une information ancestrale, j'irai chercher ce que j'ai besoin, je vais le digérer là, par mon ajusteur de pensée, je vais l'amener, je vais me servir de lui. Je vais lui faire une place chez moi, dans moi, en moi, et c'est moi qui reste. Il sera plus puissant, je serai plus puissant, mais je serai toujours la parole. On doit étrangler le canal réincarnationnel. Ça veut premièrement dire qu'on doit se désassujettir de notre baptême. Comment tu fais ça? Tu vas chercher... C'est sûr que la meilleure chose à faire, c'est de faire un vol à là où il est conservé, puis de détruire les papiers. Mais là, évidemment, tu n'es plus venu au monde. Et puis, en fait, tu es peut-être venu au monde, tu n'es plus là. Ce qu'il faut faire, il y a différentes choses symboliques qui peuvent être faites. L'important, c'est d'instruire notre ego que c'est fait. Alors, c'est pas au niveau, bon, toi, tu dis que mon nom n'a pas changé. Ça, c'est correct. Maintenant que mon ego reste convaincu qu'il reste assujetti à, c'est pas fait. Un individu peut symboliquement brûler son baptistère. Il met le feu dedans. Si c'est possible, fais attention pour mettre le feu à la maison, parce que les dieux n'aiment pas ça qu'on brûle les baptistères. Alors, il met le feu à son baptistère, et puis lui considère qu'il n'est plus relié à l'Église catholique romaine. Que ça, c'est le geste concret qui fait que... Si lui reste convaincu que c'est réglé, il devra rejeter toute forme de culpabilité parce qu'il ne va pas à la messe, rejeter toute forme d'assujettissement à ce qu'il était avant. Même s'il garde le même nom social, le même nom sur sa carte d'assurance maladie ou sa carte de crédit, c'est pas si pire. Mais égoïquement parlant, il doit avoir un égo capable d'accepter le fait qu'à partir de maintenant, mon petit, tu ne dépends plus de rien. Il y a un problème majeur là-dedans, c'est que quand un égo en arrive là, l'égo se sent totalement insécure parce que là, c'est béquille, sa chaise roulante électrique, il vient de la perdre. Alors là, il se ramasse dans un trou sans fin où il tombe. Mais j'ai déjà parlé de ce trou-là. C'est un trou qui n'a pas de fond. Puis on se fait jamais mal à tomber dans un trou pas de fond. C'est quand on tombe dans un trou avec un fond qu'on se fait mal à un moment donné. Alors, dans une religion, il y a un fond. Dans les églises, il y a un fond. Il y a toujours une limitation. Il y a toujours un règlement où on va te dire, ne va pas fouiller là. Ça, c'est le fond. En science, il y a un fond. En philosophie, il y a un fond. Dans les écoles initiatiques ou ésotériques, bien souvent, il y a un fond. Alors, l'ego se ramasse à tomber dans un trou pas de fond. Ça, jusque-là, ça va bien. Mais tu es influencé quand même par les autres. Il est influencé par les autres, mais plus par les astres. Si les gens continuent de t'appeler par ton prénom, comment... Il faut que tu, c'est une feinte que tu fais à ton ego. Il faut que tu fasses accroire à ton ego que tu n'as plus d'influence, mais en réalité... Lorsque l'ego va considérer que ce nom-là n'est plus rejoint, n'est plus assujetti à rien, autrement dit, premièrement, qu'il n'y a plus un seul Dieu pour veiller sur toi. Et l'ego devra comprendre ça. Deuxièmement, que tu ne devras plus mourir. Tu dois devenir immortel. L'ego devra comprendre ça. L'ego peut devenir immortel s'il crée le double éthérique, à l'intérieur duquel le mental, toi, va aller se cacher si ton corps physique ne vit pas assez longtemps. Et présentement, l'humain gagne le monde de la mort. L'humain meurt deux fois. Il meurt du corps physique, il meurt après ça de sa conscience. Mais l'ego doit donc être capable de rejeter le monde de la mort. C'est le ciel, donc, de rejeter les archanges, tout phénomène archangélique, de rejeter le phénomène de dissolution purgatorielle, de rejeter toutes les mémoires ancestrales, c'est-à-dire que dans le monde de la mort, il va rejoindre ses parents. Il va rejoindre ceux qui, dans sa famille, il a connu. Il doit rejeter ceux-là. Il doit rejeter, finalement, la réincarnation. Il doit, la réincarnation fusionnelle pluralitaire, il doit rejeter tout le passé, toutes les traditions, tous les rituels. Cet égo-là doit donc être capable de supporter et de comprendre qu'à partir de maintenant, le seul Dieu que je vais honorer, c'est le mental. Ce mental-là a aussi un canal, comme l'ego en avait un. L'ego, c'est le canal réincarnationnel. Le mental, c'est l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est relié au canal réincarnationnel dans 99,983% des êtres humains de la planète. Par contre, lorsque l'ego décide de faire abstinence de ce phénomène réincarnationnel, il étrangle le canal réincarnationnel. L'ajusteur de pensée, ne pouvant plus s'alimenter énergétiquement en information dans le canal réincarnationnel, se détache et devient un agent libre qui flotte. Cet agent libre-là est dans le plan moronciel. Donc, l'endroit où l'âme va lorsque le corps physique est altéré et l'endroit où il peut devenir immortel, mais bien souvent, il gagne le monde de la mort et est dissous. L'être humain maintenant a un ego qui est assujetti au mental et qui est désassujetti du monde astral, donc du monde de la mort, et nécessairement du palier, de tous les paliers mobiles, donc des astres, désassujetti de la manipulation par les astres, manipulation mécanique qu'il ne contrôle pas. Les astres inclinent, mais n'obligent pas. C'est une connerie. Les astres font rien, mais ce qu'ils vont te prédire, c'est obligé. Maintenant que l'ego est désassujetti de cela, il doit s'en retourner vers un nouveau Dieu qui n'est pas lui, qui n'est pas l'âme, qui n'est pas le passé, qui est le mental. Le mental vit avec quelque chose de neuf. Le mental est relié à un ajusteur de pensée qui va donc ajuster la pensée dans l'ego. Qu'est-ce qui reste à ajuster comme pensée, les autres? Moi, je suis déconnecté de mon canal réincarnationnel, donc je ne suis plus un porte-parole de mes ancêtres. Cela me permet, premièrement, d'amener du neuf sur la planète et plus seulement du vieux. Cela me permet de voir le monde avec des yeux de cette époque et non pas avec des yeux mélangés à travers mes lignées réincarnationnelles. Mais en même temps, cela me permet de m'en remettre. Je parlerai du point de vue de l'ego. Présentement, ce n'est pas l'ego qui parle, mais quand même. Cela permet à mon ego de s'en remettre au mental, qui, lui, est relié par l'ajusteur de pensée à moi. Moi, je suis de l'intelligence, je suis de la conscience. Maintenant, à l'intérieur de mon mental, le mental devient de l'intelligence et de la conscience. Et maintenant, parce que mon ego reste une âme, mon ego reste dans une âme, l'ego est petit, l'âme est de plus en plus petite, donc de plus en plus pure. Mais cette âme, elle a une enveloppe qu'on appelle le périsprit, qui fait que chaque âme empêche, chaque périsprit empêche l'expérience amique des individus de se mélanger les uns aux autres. Mais comme l'âme est de l'énergie vitale, c'est justement elle qui ne gagne pas le monde de la mort. Et c'est là que la mort, après la mort, c'est pas la vie après la mort, c'est la mort après la mort, même si tu restes là. Mais quand tu te réincarnes, c'est 25 000 personnes qui se réincarnent dans un corps physique. Quand tu apprends à poser des questions ou à dire des conneries, tu dis « Tiens, c'est drôle, je ne me rappelle pas qui j'étais. » Ben, c'est sûr. À gang que tu étais, tu te rappelles d'avoir été un doigt, un pied, un orteil, une crotte de nez, mais tu ne te rappelles pas d'avoir été une globalité. Maintenant, ce qui arrive, c'est que l'ego qui est là, lui, a un périsprit qui reste sensible au périsprit d'autrui. Donc, aux vibrations extérieures, aux manipulations extérieures. Et là, l'ajusteur de pensée qui est là, par le biais du mental, va maintenant rectifier la pensée dans l'âme lorsque tu vas... Moi, quand je me couche, je dors immédiatement. Je ne m'ennuie jamais parce que je ne me fais pas ramasser par le monde de la mort. Par contre, à un moment donné, toi, tu pourrais arriver et dire « Bon, ben là, je t'interview plus parce que tu es trop con. » Immédiatement, mon petit ego, lui, va réagir à ce que tu viens de dire. Mon ajusteur de pensée, travaillant le rectificateur de pensée, colore ce qui vient d'être vécu. Et ce que mon ego décode, c'est que « Ah ben, c'est normal, de toute façon, à un moment donné, il faut que je change d'intervieweur. » Alors, il n'y a aucune souffrance au niveau de l'ego, c'est la plénitude correcte. Parce que ce n'est pas connecté au monde de la mort. Si ça l'était, ça serait quoi la réaction? Bien, si ça l'était, il y aura tous les personnages qui, à un moment donné, se sont nourris de ta présence, qui vont immédiatement se rendre compte que si tu t'en vas, c'est comme si tu mourais. Ils pourront plus se nourrir de ta présence. Alors, eux, immédiatement, vont dire, « Ben oui, alors, qu'est-ce qui t'arrive? » Là, ça n'a pas d'allure, puis ils vont tout faire pour changer. Donc, moi, maintenant, mes égos vont essayer de te manipuler. Comme le monde de la mort te manipule à lâcher, je vais essayer de te manipuler à rester. Si, par contre, je ne suis pas relié là, mon ajusteur de pensée va voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles sont. Mais ça, c'est pas juste en changeant de prénom qu'on fait ça. Non. Ou en détruisant symboliquement le prénom. Qu'on devient immortel? Non. Non? En faisant quoi ensuite? D'autres choses? Oui, on boit de l'eau de temps en temps quand on a soif. C'est important parce que si on a bien soif, on ne boit pas d'eau, à un moment donné, on meurt. Alors, il faut boire de l'eau quand on a soif. C'est important. C'est pas parce qu'on évolue que les choses... Puis l'astral... Peux-tu devenir immortel? Faut que tu bois de l'eau. Voilà. Mais l'astral, est-ce qu'il y a plus d'influence que le prénom? Il y a du monde qui ne comprend rien. L'eau, il se met sur la tête. Oui. Pour moi. Faut la boire. Est-ce que l'astral a plus d'influence que le prénom ou c'est l'inverse? Bon, il n'y a pas que le prénom. Comme tout à l'heure, j'expliquais, c'est que si le mental comprend la mécanique, il y a bien des choses qui vont changer. Mentalement, vous êtes qui? Si je prends une feuille de papier et que j'énumère sur ma feuille tout ce que je veux être, ça c'est sans doute ce que je suis, mais mentalement, et pas astralement, égoïquement, amiquement. Et maintenant, si je remets sur la feuille tout ce que je ne veux pas être, c'est sans doute ce que je suis, astralement. Mais l'individu doit travailler d'une façon particulière. Moi, je peux dire, je ne veux pas être un gars de 25 pieds de haut. Mais, tu sais, OK, c'est pas ça pantoute, mais là, l'individu n'a pas compris les paramètres. Mais là, celui qui écrit sur la feuille, là, c'est l'ego ou c'est le mental? Ça devrait être le mental. Mais comment tu fais pour que ce soit le mental? Être sûr que c'est pas l'ego qui te fait à croire que c'est le mental qui l'écrit? À croire, c'est intéressant. À croire. Bon, à croire, c'est pire, c'est plus sournois. Ça, c'est chier. Ouais. Venant de l'ego, c'est à croire. D'accord. Alors, pour être sûr, c'est pas l'ego qui te fait accraire. Ouais. Il faut que tu sois sûr que c'est le mental qui va y faire accroire ce qui arrive. On doit être lucide, être en forme. On fait pas ce travail-là quand on est totalement manipulé par les astres. Ça sera un désastre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enligne logiquement, conséquentiellement, comme quand on va se chercher une automobile ou quand on veut réenvisager sa santé. C'est facile à dire, mais c'est aussi facile à faire. La personne doit prendre son crayon, son papier, puis déterminer. Je veux être millionnaire. C'est idiot parce que l'argent, c'est pour la sécurité. Je veux être millionnaire, qu'est-ce que je vais faire avec un million? Ah, je le serai bien quand je serai millionnaire. Bon, oublie ça pour l'instant. Là. Fais comme si c'était pas correct. Peut-être que ça soit oublié, ça dérange pas que tu l'oublies. Qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être un individu qui ne souffre plus? C'est ça le mental. Ça ne souffre pas le mental, mais on l'est déjà. Donc, ne pas souffrir. Est-ce que je veux être un individu qui va être capable d'aimer et de laisser libre ce qu'il aime? Exemple, là. Oui, mais le mental fait ça. Est-ce que je veux être un individu qui ne peut pas connaître la peur? Oui. Mais le mental ne connaît pas la peur non plus. Est-ce que je veux être un individu qui est capable de réagir efficacement dans n'importe quelle situation? La tête froide. C'est le mental, c'est ça. Oui, mais ça, là, tous les égaux aimeraient ça de demain. Oui, mais la nuance, c'est que tout ce que tu vas être capable de mettre, c'est ce que t'es. Tu pourras pas inventer d'autres choses. Mentalement, est-ce que tout le monde ne créerait pas la même chose? Non. Est-ce que tout le monde voudrait pas ne pas souffrir, ne pas avoir faim, ne pas... Oui, tout le monde si est millionnaire en comprenant ce que mais ça veut si dire. La personne veut faire le travail chez elle, seule ne l'écrira pas. Parce qu'elle elle a un égo présentement qui l'empêche, qui libère pas son mental là où il ne souffrira pas. La personne va dire, je veux ne pas avoir peur. Crime est un robot. Ah, je veux pas ça. Il n'y a aucun danger. Ça va se faire exactement purement. Alors, ce qu'elle va avoir sorti, c'est ce qu'elle est. Mais si tous les mentales ou manteaux sont pareils. L'été, c'est des mentales, l'hiver, c'est des manteaux. D'accord. Si on est tous connectés au supramental, quand tu fais ça, le supramental n'étant qu'un, on va-tu te remarquer la même réponse? Non. Parce que les véhicules qui permettent l'expression sont tous différents. Donc, l'humain qui se supramentalise... C'est parce qu'on colore encore, d'abord. C'est évident qu'on colore encore, mais il y a une coloration qui est simplement par le récepteur, le corps physique, qui ne nuit pas. Et il y a une coloration qui va être par l'ego. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mentales, foncièrement, sont similaires. Ils ne sont pas identiques, ils sont similaires, semblables. Par contre, si ton ego libère 5 % de ton mental, c'est ce 5 % %-là qui va être écrit. Mais lui, là, c'est toi mentalement. Cherche pas à penser que tu es... Bon, non, c'est ça. Toi, mentalement, c'est ça. Ce que tu arrives à supporter dans le mental que tu peux être ou que tu aimerais être, ce que tu arrives à supporter que tu peux aimerais être, tu l'es déjà. Mais ça, l'ego, lui, l'ego s'observe, va dire, ben oui, mais non, je le suis pas. C'est évident qu'il l'est pas. C'est ce que le mental est. Mais c'est juste. N'importe qui peut le faire. Et maintenant, qu'est-ce que je ne veux plus être? Ça risque d'être les anti-antagonistes de ce que tu veux être. Et maintenant, l'individu commence à placer ça. Est-ce que c'est les astres qui nous empêchent d'être ce qu'on veut être? C'est notre ego manipulé par les astres. C'est pas les astres. Les astres, là, c'est... L'influence des astres. L'influence des astres. Bon, d'accord. Les astres, ça n'a rien à voir avec la manipulation. C'est de la boule, c'est de la terre. Fait que ça ne fait rien que ça. La bullshit. Non, ça, c'est de la marde de taureau. Bon. Arrête. OK. Donc, lorsque l'être humain est capable de définir mentalement qui il est, de définir astralement qui il est, ce qu'il ne veut pas être, maintenant, il sait qui il est mentalement. Et qu'est-ce qu'on a à faire maintenant pour se désassujettir de la manipulation des astres? Eh bien, on doit s'enligner convenablement pour, premièrement, ben pour réussir à résister à toute forme de changement qui va venir altérer ce que mentalement nous avons écrit. Et on devra par la suite connaître les mécaniques qui permettent de contrôler le phénomène d'attraction réincarnative du monde de la mort en jouant avec l'onde de forme pour grossir ce que mentalement nous avons écrit et pour atténuer, sinon dit ça totalement, ce que astralement nous avons écrit. Ce que nous ne voulons plus être. Quand l'individu arrive à faire cela, nécessairement, il se désassujettit de la manipulation des astres, il lui restera la manipulation des autres. Est-ce qu'on peut s'en servir de l'influence des astres, des réincarnations, pour devenir ce qui est écrit, ce qu'on écrit mentalement? Oui. Sauf... Si par exemple, c'est écrit que je suis millionnaire. Pour m'attirer des réincarnations de millionnaire, est-ce que je peux m'habiller d'une certaine façon, travailler d'une certaine façon pour arriver à ça, pour jouer avec les influences qui nous sont néfastes normalement? Oui, sauf que dans le passé, la majorité des millionnaires, pas millionnaires, des riches de l'époque, ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé pour le devenir. Et c'est la problématique, si tu veux avoir un nombre de formes de millionnaires, et tout cela au complet, tu réincarneras peut-être pas des millionnaires, mais des personnes qui ont tout fait pour être millionnaires. Et tu peux travailler comme eux autres, comme un fou, puis jamais l'être. Oui, ou comme une folle. Oui. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans le passé, qui était riche? Les rois ne travaillaient pas. Les princes, les nobles ne travaillaient pas. Et ça, il y en a des mémoires de riches, comme ça dans le passé. Les empereurs ne travaillaient pas. Par la suite, on va avoir certains dirigeants de grandes compagnies, certains attachés des hommes politiques, mais encore là, on a des exploiteurs totaux. Mais ce n'est pas de la façon, possiblement, dont tu voudras travailler. Ce qui fait que tu risques, en voulant attirer des mémoires réincarnationnelles de millionnaires, de ne rien tirer, sauf si tu deviens un bandit. Là, tu as de fortes chances de réussir. Mais sinon, ça ne sert à rien. Il y a d'autres... Puis, ce qui est très important, c'est que l'argent doit venir. L'argent vient toujours lorsque l'intelligence vient. Parce que l'intelligence, sur le plan planétaire, l'intelligence, c'est la conscience de l'homme. L'argent vient, l'intelligence, quand elle descend, elle ne se promène pas à pied en faisant de l'autostop. Non. Pourquoi? Ça prend trop de temps. La vie du corps physique est chronométrée, c'est-à-dire qu'il y a une course entre la descente de l'intelligence dans l'homme. L'intelligence dans l'homme, c'est la conscience de l'homme. Bon. Il y a une course entre la descente de l'intelligence dans l'homme et l'agression animale, donc anima, amique, de l'âme sur le corps. Est-ce que le corps va être capable de vivre suffisamment longtemps pour que l'incidence de l'intelligence à l'intérieur de l'ajusteur de pensée dans l'âme anégoïse suffisamment l'ego pour être capable de retrouver le corps physique, recontrôler son énergie vitale et empêcher le corps physique de mourir, tout en faire un double éthérique, un corps de lumière? Tout ça avant que tu meurs, là. Avant que tu meurs. Alors donc, il y a une course. C'est pour ça que si tu mets toute ton énergie à ramasser de l'argent, l'argent est un symptôme très secondaire de l'évolution. Il y en a qui en ont, puis qui ne sont pas évolués. C'est qu'il y a une quantité très limitée de richesse sur le contexte planétaire, et elle doit se trouver quelque part. Alors, s'il n'y a pas d'intelligence pour la ramasser, elle est quelque part. Des fois, c'est intelligent, des fois, ça ne l'est pas, mais elle est quelque part. À l'instant où l'intelligence descend dans un humain, la richesse qui était là, dans les mains de quelqu'un qui n'est pas suffisamment intelligent, il peut être intellectuel, il peut être très aimant, il peut être très spirituel, mais il va perdre son argent parce que l'âme va migrer pour aller rejoindre l'autre. Ça se fait comme cela. Donc, on ne doit pas travailler sur la réincarnation de mécanicité de personnages qui ont eu de l'argent. On doit travailler premièrement pour devenir immortel, ce qui est faisable. Immortel physiquement, ça, c'est pas important. Mais tout ce que nous faisons dans la vie de ce corps-là, on ne doit pas encore aller le perdre une fois qu'on va avoir gagné le monde de la mort. Pour, ça va servir l'humanité, je suis entièrement d'accord. Mais moi, j'aime autant que ça me serve moi, que je revienne me réincarner si j'ai perdu mon corps physique, dans une réincarnation individuelle où je me rappelle qui j'étais, et je vais être capable de laisser beaucoup plus de traces événementielles dans le monde de la mort pour aider l'humain, plutôt que d'aller me dissoudre dans l'eau. Est-ce que là, tu pourras continuer ce que tu as déjà commencé? Tu te rappelles suffisamment de ce que tu as fait? C'est pourquoi je dis souvent que l'humain, si on regarde la structure d'évolution du PMC, programme maître contrôleur, c'est que la structure de l'évolution de l'humain devrait toujours s'aligner sur 4 à 500 ans minimum. Et il y a une condition très intéressante dans l'évolution d'un facteur d'évolution sur 4 ou 500 ans. Tu ne prévois pas que, oui, mais j'ai jusqu'à ma mort pour faire quoi? Bon, t'as jusqu'à ta mort pour faire quoi? Non, il n'y a pas jusqu'à ta mort. La cellule qui vit ici, elle a déjà habité dans un homme des cavernes, c'est la même vie. La vie n'est pas réapparue à toutes les milliers d'années sur la planète Terre. C'est la même maudite cellule qui a continué quelque part. Le spermatozoïde du bonhomme des cavernes, puis l'ovule de la bonne femme des cavernes, ça a créé un corps physique, puis là-dedans, il y a eu des divisions qui ont fait le spermatozoïde et l'ovule, c'est le même corps. Puis ça a continué à travers des millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut qu'on finisse par être capable de dire à notre ego. Le cave, là, le corps, l'astral, le vital et l'ego, le cave, faut que présentement tu supportes un peu plus l'idée que là, c'est pas une course dans les 10 prochaines années de ta vie, ton évolution. L'humain perd sa vie à chercher des techniques qui fonctionnent pas, des techniques rapides, pour l'amener où? L'amener à la paix. Bien, une fois que tu es en paix, tu meurs dans le monde de la mort, tu es dissous d'un paix, puis tu te réincarnes d'un paix, ça finit là. Bon. Pour aller rejoindre Dieu, tu tires une balle dans la tête, tu remontes dans le monde de la mort, tu rejoins Dieu dessus, c'est bien facile. Mais Dieu ne veut pas que tu te suicides, c'est évident, il se nourrit de toi. Donc, plus tu restes sur la planète Terre, plus tu sécrètes émotivement, plus c'est intéressant pour lui. Quand le corps ne sécrète plus, là, trop usé, ben là, OK. Alors, on doit s'enligner sur 400 ou 500 ans. L'étude humaine de commencer par travailler son immortalité du point de vue éthérique, pas du point de vue physique. Puis après ça, on verra. Alors, l'humain, donc, ça se fait comment? Se désassurer de la mécanique des astres. Parce qu'on a établi mentalement qui j'étais, astralement qui j'étais, mon mental est d'accord, c'est pas ce que je veux. Vu que mon mental, déjà, pour être capable de suivre une conférence que je donne, de toute façon, le mental est déjà investi dans un ajusteur de pensée qui a des trames opérationnelles. Donc, immédiatement, l'astral est déjà instruit par le mental de ce que l'astral ne devrait pas être. Même l'ego a travaillé contre lui. Mais c'est ça, est-ce que l'ego, à un moment donné, peut avoir le goût de devenir ce que le mental a écrit? Oui. Ou est-ce l'ego est un imbécile. OK. Ça fait que tu fais accraire n'importe quoi, puis... Tu fais accroire, c'est le mental. Accraire à l'ego. Accroire au mental. Oui, mais là, c'est le mental qui fait accroire à l'ego. Ah, c'est ça. Mais l'ego va accraire. Je vais créer ça, lui. Ah, il n'y a aucun problème. Tu peux faire une feinte avec l'ego, tu veux maquiller, tu peux définir qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu es en réalité, mais pour l'ego, qu'est-ce qu'il veut devenir? Ce que tu es capable de supporter, c'est le mental. C'est très simple. Ce qu'on peut écrire, c'est notre mental. On n'écrira pas quelque chose. C'est sûr qu'après la conférence, où on écoute une cassette, où on lit un livre, et puis là, on voit un super-héros, puis deux heures après, on décide qu'on fait le travail. Mais non, là, on transcrit le livre, là. Non, on oublie. Puis à un moment donné, quelque part en campagne, quelque part sur la rame de métro, on prend son crayon, puis là, on commence à définir qu'est-ce que j'aimerais être. Mais là, je ne parle pas, j'aimerais être une femme. Mais non, tu es un homme. J'aimerais être... On parle de soi à l'intérieur. Je dis souvent aux séminaristes, train de travailler sur sur ce qui a de la valeur. Dans 5 ans d'ici, qu'est-ce qui va rester? Votre peau, vos lèvres, vos fossiles, vos perruques, les hommes, ou vos ceci ou vos cela. Non, même pas votre corps physique, il aura été changé. Il va rester vous. Alors, qu'est-ce que je veux être? C'est ça, c'est le moi, là. Je veux être une personne qui ne souffre plus. Dans 20 ans ou dans 100, 350 ans, si c'est là, ça va rester. Pas je veux être quelqu'un qui aura des lèvres bleues. Hey, plus besoin de rouge à lèvres bleues à lèvres. Bon, les lèvres changent, la peau tombe. Je veux être, bon, on définit les choses. Qu'est-ce que je ne veux pas être? On définit les choses. Et puis après ça, tout ce qu'on a à faire pour se désachetir des as, ça paraît bien niaiseux. C'est niaiseux. Mais c'est difficile à faire. La solution, elle est facilement explicable. C'est comme de dire, si tu as l'ulcère à l'estomac, ben cesse de manger telle affaire, puis inquiète-toi plus, tu cesses de sécréter. Qu'est-ce à dire? C'est la solution. C'est dur à faire. C'est un peu pour ça, c'est faisable. Mais plus on a d'informations astrales, égoïquement, mieux c'est. On va faire une petite pause. S'il y a des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les ramenez, puis notre ami ici va se faire un plaisir de les lire. Bourses.